plus immobile, elle en mort est un éthique. Je ne pourrais même plus vous voir. Je pense à ceux qui me critiquent, je pense à ceux que je n'aime pas voir. Un café, je n'arrive plus de m'arrêter. Les bites défilent toute la soirée. Et bientôt je serai pété. Et dans mon état éthique, il me faudra rentrer chez moi. Et je vais bien sûr dégueuler. Et je vais bien sûr me faire chier. Sans s'arrêter, ils sont pas faits pour m'arranger. Et je me sens mieux que cette saleté. Des gens qui se disent parfaits. Et dans mon état éthique, je ne pourrais même plus vous voir. Je pense à ceux qui me critiquent, je pense à ceux que je n'aime pas voir. Tous ces cons.